2 ans après ton départ, me voilà encore seul. Cet événement fut dans ma vie comme un deuil. J'ai encore la nostalgie de nos moments à deux et l'image de cet instant où je t'ai dit adieu. Lorsque je plongeais mon regard dans tes lentilles bleues, j'avais le sentiment d'un amour impossible. Tes priorités étaient depuis longtemps ciblées. À l'annonce de celle-ci, mon cœur de balle fut criblé. J'ai voulu jouer l'homme fort, mais au fond de moi, j'étais blessé au plus profond de moi. De voir partir vers un endroit que je ne connaissais pas, une façon me rassurait, c'est peut-être con, n'est-ce pas? Je n'ai fait plus que respecter ton choix à contre-cœur, car ta vie ne m'appartient pas. Je souhaite tout le bonheur du monde comme Sensei Milia. Tu es une femme unique parmi 500 millions. Les mots me manquent depuis que t'es plus là. Ton nom me manque depuis que t'es plus là. Souviens-tu de ces instants lorsqu'on était ensemble? Rien ne nous empêchait de nous aimer, même pas ma bande. Encore aujourd'hui, ton visage aurélu me hante. Je te le dis sans mentir, hier encore je pensais à nous sur ce navire. Malheureusement notre histoire comme ce paquebot a chaviré. Si ça s'est passé, c'est que ça devait arriver. Navré, je le suis pour nous, mais tu resteras dans mon cœur à plus jamais, Bella. Aucune d'elles te remplacera. Mon cœur est nostalgique de ces moments magiques, mais il est devenu fragile à cause de cette rupture tragique. Je suis devenu allergique aux sentiments amoureux. Je ne suis plus énergique pour construire quelque chose à deux. Tu voulais voyager, telle était ta raison. Bien que tu étais ma Jane et moi ton Tarzan, notre histoire ne s'est pas achevée comme ces contes d'enfants. Ils vécurent tout simplement séparément. Les mots me manquent. Sincère avec moi, pourquoi es-tu parti comme ça? Étais-tu sincère avec moi? Les mots me manquent depuis que t'es plus là. T'as volé mon cœur.